rigolerie, rien du tout. Ah mais les mecs, arrêtez de vous prendre la tête, allez, tranquille, vas-y, si ça doit marcher, ça marchera. Bien sûr, voilà. Si ça va marcher, je sais pas mais je l'espère. Pour l'instant j'espère, frère, je fais péter la caisse claire. A vrai dire, le rap c'est toute ma vie, je m'en tape de ton avis. Mon rêve serait de faire un feat avec toute ma vie. Je kiffe les ambiances freestyle, là où les fous braillent. Je kiffe quand un frère vient voir, il me dit ben tu défourailles. Des fois je me dis, réussir je m'en bats les couilles. Car mon rap est loin d'être cool, petit faux pas que t'es rends pas les couilles. Si ça marche pour moi, il faut que ça marche pour mes potes aussi. En plus je sais qu'il y a du potentiel, donc me dis pas que c'est pas possible. De toute façon je sais qu'il y a que dans le son que je pourrais y arriver. Qu'un jour ça marche, il songe, mais on me dit arrête de rêver. Je m'en tape de ton peur à t'engager. Et sa mère, je vois trop de talent gâché, donc je fais du peur à d'enrager. Eh hey, poto, souris pas sur les photos. Va les ruminer. Un code, petit crypt, petit ben et coco. Si on doit percer, on percera. Ça va marcher, ça marchera. T'inquiète, tu montreras dans le rap, tu t'en apercevras. On veut juste qu'on nous entende et c'est tout. Les ruminer avancent entre les tours et les problèmes de tout. Si on doit percer, on percera. Ça va marcher, ça marchera. T'inquiète, tu montreras dans le rap, tu t'en apercevras. On veut juste s'en sortir un thème. Quand les gens parlent sur un tel, on essaye de sortir un thème. Si ça doit marcher, on verra par la suite. Moins de galère, plus de souhait, je ferai péter un nouveau sweet. Que ma passion devienne un taf à plein temps. Dégainer un disque d'or pour mes 25 printemps. Me lever simplement pour faire des instrus de bâtard. J'aime ton compliment, mais pourquoi je suis célibataire? Franchement, faut pas rêver, les riminelles, une biche de pleura. J'entends Diben me dire, mais si ça doit marcher, ça marchera. Ouais, t'inquiète, j'y crois, je suis à fond dans déterminé sur homme. Donc prêt à foncer, les portes qui se referment. Mais l'espoir est toujours là, le taf est rare. Jusqu'à voir nos gueules dans le journal. Je rêve pas, non, je garde les pieds sur terre. Mes mains sur le synthé, en une instru en terre. Et si ça marchait, j'y prends, je me questionne. Je ferais briller ma ville, ma scie dans les zones. Si on doit percer, on percera. Ça va marcher, ça marchera. T'inquiète, montrera dans le rap, tu t'en apercevras. On veut juste qu'on nous entende et c'est tout. Les ruminer avancent entre les tours et les problèmes de tout. Si on doit percer, on percera. Ça va marcher, ça marchera. T'inquiète, montrera dans le rap, tu t'en apercevras. On veut juste s'en sortir indemne. Quand les gens parlent sur un tel, on essaye de sortir un thème. Si ça doit marcher, ça marchera. Pour l'instant, je pose pour WAM. Pour moi, t'écoutes ça, donc c'est déjà pas mal. Les criminels tapent leur 16 sous un putain de brouillard. Et dans le game, dans les vagues, trop de mecs, des gouttes graves. Demande à Mephisto si on a les rimes, les phases et le flon. Viens de Massy, c'est la zone. Laine va jusqu'à Zozo. En 2-0-0-7, c'est la même qu'au premier texte. A une différence près, ces rimes alimentent un MySpace. On est pas alimenté dans les pages de la presse. Rien à foutre de la SACEM, je connais même pas l'adresse. Moi je rappe, faire bouger la cabesse, ça me strap. Je veux à peu que je la goutasse. Après si mes phrases on débat, y'a plus de place pour les blagues qui rappent. Si ça marche, je prendrai ma part, les strats je m'en tape. Bélec, c'est des Raguel pour un nouveau 16. Les criminels, côté en thèse, passons la FM. Si on doit percer, on percera. Ça va marcher, ça marchera. T'inquiète, tu montreras dans le rap, tu t'en apercevras. On veut juste qu'on nous entende et c'est tout. Les criminels avancent entre les tours et les problèmes de tout. Si on doit percer, on percera. Ça va marcher, ça marchera. T'inquiète, tu montreras dans le rap, tu t'en apercevras. On veut juste s'en sortir un thème. Quand les gens parlent sur un tel, on essaye de sortir un thème.